Elle était tout pour moi, avec un cœur grand comme l'ébène. Mais maintenant c'est fini, oh get away. Les fleurs du jardin ne poussent plus depuis 3 mois. Et le film de Jean-Pierre Melville ont remplacé les éjaculations faciales. Toi, je suis un guitariste des Cupticons virés, un fan d'Indochine sans tante Quechua, un Tony Fomblard sans toi. D'ailleurs, Tony Fomblard, qu'est-ce que c'est, hein? Elle était tout pour moi, avec un cœur grand comme l'ébène. Mais maintenant c'est fini, oh get away. Je vais à des soirées avec Ben, un cheeseburger dans les mains. On boit des alcools de cannabis très très fort. Je couche avec une fille de temps en temps. Un peu d'argent, les jeunes qui tweetent, les mouches qui pètent. Tout pour moi, avec un cœur grand comme l'Éden. Mais maintenant c'est fini, oh get away. Elle était tout pour moi, avec un cœur grand comme l'Éden. Mais maintenant c'est fini, oh get away.